tout dans vos oreilles. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Les deux chroniques de Stéphanie Gagné, Take Me Out et Ton Plat Favori. Et on reçoit Audrey Tremblay pour faire le tour du dernier Zone Campus. La dernière semaine d'Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est le lundi 18 avril 2011 et moi c'est Mathieu Plante. Moi François-Olivier. Et comme j'ai dit, c'est la dernière semaine de la version quotidienne d'Assemblage requis. Oui, on va pouvoir se lever tard. Ah ah ah, avec le congé de Pâques, là, ça existe encore apparemment, on m'a dit que... Oui, oui, tout à fait, donc on a une longue fin de semaine, on a vendredi, samedi, dimanche, lundi. Oui. Sûrement vous aussi à la maison, donc profitez-en aussi. Je pense qu'il va faire beau. Oui, c'est la loi, non? Chaud. Faut absolument que le monde ait congé à ce moment-là, non? Oh oui. C'est important, c'est important. Ben oui. Donc cette semaine, ben, il va falloir écouter les dernières chroniques de chacun de nos chroniqueurs parce que ça va être c'est ça, leur dernière, donc la meilleure, évidemment. Et donc, tu sais. Espérons-le. Faut que ça finisse bien pour que les gens aient un bon souvenir d'eux en tête. Donc aujourd'hui à l'émission, on a les dernières presque chroniques de Stéphanie Gagné avec Take Me Out. Ça, c'est la sortie, les sorties spectacles à venir. Ça, c'est vers les 8h15. Ensuite, à 8h30, elle va nous faire ton plat favori. Et ça, cette chronique-là va continuer sous une forme ou une autre plus tard. Mais quand même, dernière chronique régulière de ton plat favori. Et avant ça, on va recevoir d'ailleurs Audrey Tremblay, la rédactrice en chef du journal Zone Campus, qui va nous... on va faire le tour avec du dernier Zone Campus qui est en kiosque, le dernier de l'année aussi, donc... Tout à fait. Son dernier, on sait pas encore. On verra. C'est quoi? Son dernier à elle, on ne sait pas encore. Ah, ça, c'est ça. Seul l'avenir le dira. Et voilà. Seul l'avenir le dira. Et d'ailleurs, Mathieu, on va faire tirer des chocolats car Pâques, comme on l'a dit précédemment, arrive à grands pas. Donc, et c'est important. Oui, oui, oui. Donc, on va faire quand même tirer ça de bonheur. Ah oui? Hein? Non, oui. Okay. On est des hommes de bonheur, donc on va faire tirer ça de bonheur pour ceux qui nous écoutent de bonheur. Donc, On est des hommes de bonheur, on est des hommes de bonheur. Oui, exactement. Et on s'envole ce matin tel deux hérons. Hein, oh. Voici les deux hérons de Martin Léon sur C'est fou 89.1. Je pensais vraiment pas réussir à faire un lien avec ça, mais ça a marché. Ouais, ça a bien fonctionné. Pit, pit, pit, pit. Barnaque. Dans mon windshield. Ton windshield. Ah, t'as de la classe. Deux hérons allant bien à l'aise, posés à l'aube en une rivière, observer luire du fond de l'eau une pièce d'or sous la lumière. Il était un homme autrefois, fit le premier compteur fidèle, jadis pris grand soin de moi quand je battais de l'aile. Il savait me porter dans ses bras, là tout près de son cœur, et nous vivions sans faire d'esclandre ensemble. Un homme autrefois suivi l'autre de connivence, qui jadis imposa sa loi, ses feux et sa démence. Pauvre lui, s'écriait la mère, là tout près de son cœur, il nourrit son propre malheur. Seul. Il était un homme autrefois, de conclure ainsi nos compères. Disparu avec ses lois, son or et sa misère. Viens mon frère, le dossier est clos. Allons boire à même le soleil et profiter tant qu'il est haut. Ensemble. La pièce My Shepherd, la formation de New Pornographers à assemblage requis sur C'est fou 89.1 FM avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante jusqu'à 9h. Yeah! Yeah! Il ne reste pas beaucoup de temps avant Audrey Tremblay qui devrait arriver pour parler du journal Zone Campus tantôt. Oui! Bonne fin de session, c'est ce que ça dit sur la couverture. Oui, oui, oui, la fin de session qui approche à grands pas. D'ailleurs, si vous êtes étudiant, je vous conseille fortement de commencer à étudier si vous ne l'avez pas fait. Car Dieu sait que ça va vite. Donc, est-ce que tu parles d'expérience, là? Ben oui. Oui. Faut pas se le cacher. Non, c'est important d'étudier. C'est pas évident, tu sais. Non, c'est pas évident. Mais voilà, C'est une concession qu'on doit faire, là. Lâcher quelques activités et puis se mettre le nez dans ses études. Ça vaut la peine. C'est des sacrifices, sacrifices. On est sage, ben assemblage, oui. Ricky. Ah, François, quelle parole, je dirais, de grand chaman. Ah, merci. Merci, merci. Voyons. C'est quoi déjà un chaman? Chaman, c'est pas lui qui fait des potions magiques puis espèce de guérisseur. On sait pas trop comment est-ce qu'il fait pour guérir, mais lui non plus ne sait pas trop. Mais... Ouais. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ah. Des choses comme ça. Alors, on va retourner en musique avec Mother Mother. On écoute The Stand sur C'est fou. Hey. I keep it a secret. Oh, come on, just one bite. Okay, it's vodka on ice. But then there's women on bikes. Oh, just the women who straddle. Oh, now you are a handful. I forgot about handfuls. Okay, it's everyone here. You mean just all of the people? Yeah, and all of their peers. And all of their pets. And their chandeliers. And their cigarettes. I haven't smoked in years. I can hardly stand the sight of it all. I can hardly stand the sound of it all. I can hardly stand the taste of it all. Human race, but for the planets and the stars and everything else in Mars, it's like paradise spread out with a butter knife. I can hardly stand the sight of it all. I can hardly stand the sound of it all. I can hardly stand the taste of it all. Don't even know. Everyone's f***ed and they don't even know. Everyone's f***ed. Everyone's f***ed. Everyone's f***ed. Everyone's f***ed and they don't even know. Everyone's f***ed and they don't even know. They don't even know. They don't even know. They don't even know. Everyone's fucked and they don't even know. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Samedi soir, je puisse claude, claude, claude, démon clone. Tous les samedis soirs.

Hôtel Morphée, les oiseaux de verre au 89 FM. It's crazy that. Crazy that avec Crazy Matt. Ah oui, et crazy, crazy, crazy, crazy. F.O. que toi, t'es fou, quoi? Fou, fou, fou, fou. Fou, fou, fou, fou. F.O. t'es la bête de cirque. La bête de cirque, hein? Je suis difforme. Ouais, c'est ça. Non, j'essaie de trouver un petit surnom, là. F.O. Faux, faux, faux. Faut que ça soit... intéressant! Faut que ce soit intéressant! Avec Audrey Tremblay. OK, bon, ben, la voici, parce qu'on va parler du plus récent numéro du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Bon matin! Bon matin, bon madame! Matin, tu vas bien? Ça va très bien, vous autres? Ben très oui, bien, merci. Le dernier journal est fait. Oui, le dernier. On peut dire travail accompli. Voilà. Félicitations. Merci. Oui. Parlons de son contenu et de ce dernier numéro de la session pour le journal Zone Campus, qui sera de retour évidemment cet automne, ce journal-là. Donc, 18 avril au 1er mai. Bonne fin de session. Oui. Bonne fin de session à tout le monde. Ça résume bien pour les deux dernières semaines. Oh oui, exactement. Exactement. Il va rester en kiosque pas mal plus longtemps que ça, donc bonne fin de session et bon début d'été. Section actualité, Audrey. Oui. Tout d'abord, on parle de la grève, du second vote de grève qu'il y a eu à la deuxième Assemblée générale, mm-hmm. qui a été commandée par les étudiants, de la manifestation qui a eu lieu à Montréal, du concours scientifique qui a eu une hausse de participation pour cette année. Mm-hmm. Il y a eu un lancement collectif à l'UQTA de livres qui a été publié par la presse de l'université. Oui, 21 ouvrages, ouvrages même, provenant de 15 auteurs différents. Eh bien, ouais. Ils sont disponibles à la bibliothèque de l'UQTR ici. Voilà. Dans l'éditorial, Simon Fidibé va parler des lâches. Des lâches? Oui. Il va pas de main morte. Ouais. Non, effectivement, c'est un très bon éditorial qui va sûrement susciter des opinions. C'est ce qu'on souhaite d'un éditorial et... si c'est ce qu'il a fait, tant mieux. Effectivement. On parle aussi du programme de deuxième cycle en chiropratique, de la journée carrière qui a eu lieu ici à l'UQTR, que Marie-Hélène a surnommé la petite séduction. C'est vrai que ça ressemblait à ça. Ouais. Ici, c'était au 10-12. C'est vrai que ça ressemblait à ça. C'est des régions qui sont pas très convoitées pour des emplois. Ouais, régions éloignées. Voilà. On parle aussi du colloque en psychoéducation. C'est ce qui fait le tour des actualités. Tout à fait. On passe à Société avec la chronique des confessions de Sophia. Oui, puis Sophia qui va pas de main morte non plus à propos des étudiants qui vont voter. D'aller voter, c'est important. Ils se sont dit, c'est le dernier numéro de la session, ouais. Personne ne va pouvoir faire un texte en réponse à ça dans le prochain. Je me gare. Et voilà. On a trois textes d'opinion aussi. Oui, c'est beaucoup de textes d'opinion, ça. Oui. Tant mieux. Un très bon texte sur la bibliothèque de QTR qu'on a reçu. À lire. Très intéressant, ça parle vraiment de qu'est-ce qu'une bibliothèque et comment ça se fait que la nôtre a peut-être quelques lacunes. Peut-être. Oui. Peut-être. Sinon, on passe aux arts et spectacles, comme toujours, en couleur, en plein milieu, avec plusieurs articles. Très intéressant. Oui, la finale de la Luître, qui a eu lieu avec le Gala Mollusque, c'est les Oranges qui l'ont emporté. C'était un très bon match de finale. Mm-hmm. La troupe de danse Millennium, que je suis allée voir, et c'était vraiment... superbe. Ouais, j'ai vu les photos. Évidemment, j'étais pas là, mais non, ça a l'air assez intéressant. Ouais. Vas-y. À l'exposition Corps à corps qui a eu lieu dans le hall Gilles Boulet, en tout cas. Gilles. Ouais. Gilles. Le hall de Gilles. Ça, c'est l'exposition avec les nombris sur des cubes. Ouais, effectivement. On a tous vu ça. Oui, c'était très marquant comme... on les voit d'ailleurs sur la deuxième photo, là, les en nombris arrière-plan. En arrière-plan. On parle aussi du spectacle de Bobby Bazini qui a fait Salle Combe. Il y a eu une soirée pour Clowns sans frontières à la Chasse-Galerie. OK. Il y a du monde, là? Oui, c'était. Ouais. Il y avait beaucoup de monde. Puis c'était vraiment très intéressant comme soirée. C'était une soirée inhabituelle des lundis à la Chasse-Galerie. Oui, pour la Chasse-Galerie, en tout cas, ouais. Y a-t-il autant de monde que ça d'habitude les lundis? Hein? Quel jour il y avait un mélange de. C'était la finale de l'impro en même temps, fait qu'il y avait un mélange de tout ça, mais habituellement, non, il n'y a pas autant de monde. Mm-hmm. Un va bien avec l'autre aussi, non? Et voilà. C'est un très beau duo. Ouais. Il nous reste seulement le sport, n'est-ce pas? Oui. Alors, en sport, on va parler des méritards sportifs des Patriotes. Qui ont eu lieu la semaine dernière, le 7. Mm-hmm. En golf, on va parler de l'entraîneur qui n'est pas certain de son retour. Oh. Joanie Dufresne va faire le tour du soccer féminin, soccer masculin qu'elle a couvert toute l'année. On va parler aussi du lancement du Centre régional d'entraînement et d'événements de la Mauricie. Du du côté de Nicolas Ducharme, il fait le tour d'une offre qui pourrait avoir lieu à l'UQTR d'une aréna et d'une piscine. Une piscine. Son scoop, qui a sûrement déjà parlé vendredi dernier, avec la sortie du journal de Tommy Tremblay, qui va probablement se joindre aux Patriotes. Aux Patriotes. C'est ce qui fait le tour. Et voilà, déjà, beau petit journal, ça. Merci, madame. Oui, merci, madame. Donc, celui-là, il va être en kiosque longtemps aussi, hein? Donc, vous aurez la chance de le voir et de le prendre. Tout à fait. Il est en kiosque depuis aujourd'hui, le 18 avril, et jusqu'au 1er mai. Ouais, on dit 18 avril, on sait toujours que c'est approximatif, là. Et 1er mai, ce sera la date de fin de ce journal-là, mais il va être en kiosque pour les semaines suivantes. Voilà pour le journal Zone Campus. Merci beaucoup, Audrey Tremblay. Ça fait merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Nous sommes toujours à Assemblage Requis. Et maintenant, François-Olivier, c'est la fin de la première heure. La première heure de la première émission de la dernière semaine. Hey, il en reste 3,5, c'est ça que ça veut dire? Hey, 3,5. Donc, on revient tantôt avec Stéphanie Gagné, qui va être avec nous pour deux chroniques Take Me Out, avec ses sorties spectacles, et puis ton plat favori avec son coup de cœur de la semaine, et puis on aura nos crudités et desserts respectifs, toi et moi. Exactement. C'est dans la deuxième heure d'Assemblage Requis. Pour l'instant, c'est ça, puis on revient. C'est ça. C'est ça. Et puis l'info campus, hein, c'est ça. C'est ça. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage Requis. De retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. On construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui. Oh que oui. On disait qu'il nous restait trois émissions et demie. Bientôt, il n'en restera que trois. Exactement. Le décompte continue. Oui. Sais-tu que, François, ce qui pourrait alléger la tristesse de nos auditeurs et les auditeurs qui se disent « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire sans ma dose d'information, de culture et de divertissement qui est à Assemblage Requis tous les matins de 7h à 9h. Moi, je pense que du chocolat pourrait leur faire plaisir. Oh! Ne trouves-tu pas? Très bon lien, Mathieu. Très bon lien parce qu'après ça, on va en faire tirer du chocolat. Ah ouais? Mais ça sera pas l'artiste. Ça sera pas l'artiste chocolat? Non. Non? Non. T'es sûr? Oui. Est-ce que tu penses qu'on pourrait? Non. Au moins en jouer? Oui. Ah! Bon. On fera ça. Ben, ça pourrait t'intéresser. OK. Voyons donc, c'est que t'as la tête. On commence par contre avec Jérôme Minière. Voici des pieds et des mains. OK? C'est bon? OK. Voilà. Des pieds et des mains, avec quoi tu manges ton chocolat sinon qu'avec tes mains? Quand nous aurons tout avalé, tout consommé, tout consumé, quand nous aurons tout englouti, comme des fourmis sur un fruit, il ne restera que nos corps. Nous commencerons par les pieds, puis nous mangerons notre main, et nous garderons l'autre pour demain, jusqu'au jour où de la planète, il ne restera plus que nos têtes, qui fileront comme des comètes, à travers la galaxie. D'avoir tout avalé, tout consommé, tout consumé, nous devrions nous réveiller de ce rêve malsain qui nous tient. Il ne restera que nos corps, nous commencerons par les pieds, puis nous mangerons notre main, et nous garderons l'autre pour demain, jusqu'au jour de la planète. Il ne restera trop tard pour faire des pieds et des mains, des grimaces. passe sans beauté. Il ne restera que nos corps. Nous commencerons par les pieds, puis nous mangerons notre main, et nous garderons l'autre pour demain, jusqu'au jour de la planète. Il ne restera plus que nos têtes, qui fileront comme des comètes à travers la galaxie. Souffre-nous là. Jérôme Minière avec des pieds et des mains. Comme on disait, c'est avec ça qu'on mange. Des mains au moins. Ben, quoi qu'il y en a qui mangent avec les pieds, on sait. Ou qui mangent des pieds, tout simplement. Douteux. Ben, les jujubes, les pieds. Ah oui. Ben, okay, oui, donc, à quoi tu pensais, Mathieu? C'est Alan Candy, bien sûr. Ouais. Donc, hein? Chocolat? Oui. Ça peut être bon? Ben, pourquoi pas. On aime ça? Ben oui, vas-y. OK. Écoute, on fait tirer du chocolat? Ça a l'air vraiment vendeur, oui, tout à fait. Est-ce que vous voulez du chocolat? Non? Non, oui. Elle n'a pas le droit à travailler pour l'émission. Ah, non? Ouais. Oh, elle fait la baboune, là. Oh, elle fait la baboune. Pauvre chouette. Ah non, écoute, Mathieu, je te fais un petit résumé. Ouais. Depuis 77 ans, OK? Une fière compagnie canadienne. Combien de temps? 117 ans? 77 ans. Ouais, 77 ans. Ben oui, c'est appréciable. C'est respectable. C'est une compagnie fort bien établie. Alan Candy, d'ailleurs, que tu mentionnais. Les merveilleux gens d'Alan Candy. Oui. Qui font un chocolat fondant dans la bouche et des plus délicieusement crémeux. Délicieusement crémeux. Oui. Donc, ou crémeusement délicieux. C'est ça, exactement. C'est selon. J'adore plus ça. Donc, vous avez gagné. Vous pouvez gagner un lapin de Pâques, un membre populaire de la famille Alan Candy, comprenant d'ailleurs Monsieur Munchie. Monsieur Nutty. Madame Fluffy. Et Solid Junior. Ainsi que des œufs au chocolat Lilypot. Et beaucoup plus. Le tout d'une valeur de 50$. Et ça, on va prendre le troisième. Ben oui, troisième appel. Moi, ouais, pourquoi tu me fais 4? 4, ok, on y va pour 4. Quatrième appel. Donc, 819-376-5183. 819-376-5183. 819-376-5183. Non, vole pas le téléphone de l'autre. Non. Hey, là, la contrebande, là, voyons, là. Donc, c'est là? Oui, c'est là. On s'en va écouter une pièce de chocolat, le groupe de musique, évidemment, pendant que vous nous téléphonez pour gagner tous ces beaux chocolats au 819-376-5183. J'ai barré la porte de ton appartement la nuit dernière. Je suis rentré dedans. J'ai pissé sur le divan. T'aurais dû barrer la porte de ton appartement la nuit dernière. Je suis tombé sur tes sous-vêtements. J'ai mis mon nez dedans. Ton appartement la nuit dernière, je suis rentré dedans, passionnément. T'aurais dû barrer la porte de ton appartement, le joli cul de ton nouvel amant. J'ai mis mon doigt dedans. Chocolat avec la pièce Ton appartement à Assemblage Requis au 89.1 FM. Hey, félicitations à Charles Tremblay qui a gagné le chocolat. Oui, bravo. Mm-hmm. T'as gagné Fluffy, Munchy, Scooby-Doo et Lilliput. Lilliput. J'étais sûr qu'il fallait dire Lilliput. Non, mais c'est comme Lilliputien, c'est Lilliput. C'est quoi ça? Les Lilliputiens, les petits, là. Les petits quoi? Les petits quoi? Je chercherai ça, là, quelque part, pendant que moi, je discute avec Stéphanie Gagné. Voici sa chronique Take Me Out. Take me out! Est-ce que tu connais ça, toi, les Lilliputes, les Lilliputiens? C'est pas dans... C'est ça? C'est pas les petits, là, qui est dans... Le gars, il est gigantesque, puis il l'attache. Ah, je pense que c'est peut-être ça avec Jack Black, là. Mais entre autres, les voyages de Gulliver. Ouais, mais je suis pas sûr que c'est ça. J'en ai aucune idée. Enfin, bref. C'est pas dans les sorties spectacles de la semaine, donc mieux. Tu connais pas ça non plus. Non. Cette semaine, il y a pas beaucoup de spectacles. En fait, il y a quelques spectacles, mais il y a pas beaucoup de diversité. Okay. Sur les spectacles de cette semaine, il y en a quatre que c'est Malajube. Donc, c'est vraiment Malajube qui domine cette semaine. Mais ils sont pas à Trois-Rivières. Non, malheureusement. Non. Mais j'ai commencé en ordre de... Ouais, mais on peut attendre encore un peu, là. Peut-être qu'ils vont annoncer une date de spectacle bientôt. Chacun ses priorités. Mais où est-ce qu'ils vont? C'est ça que tu veux nous dire, là? Ce sera pas long. 18, pas mal à jeu tout de suite. Je vais y aller en ordre de date. Merci. Le 18, donc ce soir, Pierre Lapointe à l'Étoile, 10:30. Demain, le 19, c'est évidemment les Mardis de la Relève, mais ce qui est spécial, c'est que c'est la première soirée hip-hop ever. Oh! Il n'y a jamais eu de soirée hip-hop. C'est quoi les artistes? Je les connais pas. Je les connais pas, mais allez sur le site du Gambrinus pour voir ça. Donc, première soirée hip-hop à vie pour les Mardis de la Relève, donc ça risque d'être assez intéressant. Ensuite de ça, bon, Malajube, 19 et 20 avril, ils vont être du côté du cabaret La Tulipe. Donc... à Montréal. Excuse-moi, Stéphanie, est-ce que je peux te couper 30 secondes? Vas-y. Demain, donc le 19, j'ai les noms, si François les veut. Vas-y. Il s'en allait vers là. Okay. Donc, on a Naïd. Oui. OK. Le Ultimate Roll Band. Et, dis-le avec moi, Last Days. On a trouvé la parfait. Même place. Ben, Naïd, je pense qu'ici à Trois-Rivières, il est fort bien connu. Danny Carpentier. Oui, c'est ça, exactement. Les autres, moi, ça me dit rien du tout. Là. Non, c'est normal avec les membres de la relève. C'est de la relève. Ouais, exact. Moi, je connais tellement pas la scène hip-hop, là, mais tellement pas. Là. Je pense que je serai pas juge demain, puis j'espère quasiment ça, parce que je serais pas bonne pour juger quelque chose que je connais pas du tout. Ça doit être dur à juger. Ça doit être dur à juger pour n'importe quel juge qui va devoir se présenter au Mardi de la Relève demain. Ouais, parce que la plupart sont pas de la scène hip-hop. On est peut-être même très, en tout cas, fermé un peu à ça. Peut-être. Donc, c'est vrai, on le voit, c'est la première soirée hip-hop qu'il y a eu ever au Mardi de la Relève. Difficile. Okay. Bref, c'est ça. Donc, je disais 19 et 20 avril, Malajube, cabaret La Tulipe. Le 21, Peter, qui va être au Cercle, ou tu peux dire comme tu veux, Mathieu, Peter. Pété. Ouais, ou ça. Le 21 au Cercle. Le 22, Alex Nevsky, qui va être à la Maison de la Culture, Maisonneuve. et Chic Gamine qui va être à l'Anglicane. Et finalement, 22 et 23, Malajube qui vont être du côté de Québec cette fois-ci au Théâtre Petit Champlain. Alors voilà, on voit que Malajube mène pas mal dans les spectacles cette semaine. Donc c'est évidemment ce qu'on va aller entendre avec leur album qui sort demain. On va entendre la pièce Ibuprofène. Jube et la pièce Ibuprofène de leur nouvel album La Caverne qui sort demain, mais vous pouvez vous le procurer tout de suite sur leur site web pour la modique somme de 10$. Là? Maintenant? En fait, depuis mardi dernier. Ouais, mardi dernier. Wow! Mais c'est ça, je pensais que ça sortait la semaine dernière. Ouais, ben c'est parce qu'on a tellement fait jouer et je l'ai tellement précommandé il y a deux mois qu'on dirait que oui, j'ai l'impression qu'il est là depuis toujours, mais non. C'est pas le cas. Ah! Non! Intéressant. Merci, Steph. Merci, Stéphanie! De rien. On va te retrouver tantôt pour ta chronique, ton plat favori. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Tout à fait d'accord. C'est quelque chose qui te fait plaisir, ça? Ouais. Bon, ben, on va faire ça de bord. C'est sûr? On va rester là. Pendant certains, ben, là. Alors, on s'en va écouter une pièce de la compilation des Francs ouvertes. Voici les handclaps avec un cliché. J'attends qu'elle me brûle. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. On réaccueille Stéphanie Gagné, voici ton plat favori.